www.choc.ca/podcast.com. 89.1. CKRL. Québec. Bonsoir, bonsoir, mes amis amateurs de musique progressive. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et c'est l'émission Terrain Incognita. Bonsoir, France. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Jean-François. Eh bien, ce soir, il sera évidemment question de... du festival dans un premier temps. Hmm? Ben oui, si vous étiez là lors des illusions auditives, Vincent en a fait mention d'ailleurs. Il est venu faire un petit tour pour l'édition 2018 et il a vraiment beaucoup apprécié. Là. Il a aimé beaucoup son expérience. Et ben, ceux qui sont moins familiers, ben, on vous invite à faire de même. Là. C'est une belle fin de semaine. Ça se passe sur 3 jours. Et ben, comme disait Vincent, il en sera question, évidemment, qui va en être question. C'est une bonne place pour entendre parler du Festival Terrain Incognita qui se tiendra... Le 17, 18 et 19 mai 2019, et, au Centre d'art La Chapelle. Et 3 belles journées, tant qu'à y être... Tant qu'à y être, tu veux que je les nomme? Ben oui, allons-y donc. Parce que là, la programmation est complète, les billets sont en... C'est ça. Pour les trois journées... Qui se vendent séparément. C'est Ease Project qui va débuter le festival durant les 3 journées. En formule duo. Le 17 mai, il va y avoir Oak, un groupe norvégien. Oui, à ne pas confondre avec les Oak italiens. Oak italiens. Ensuite, il va y avoir Bjorn Riss. Ensuite, le 18 mai, ça va être Basta, un groupe italien. Ease, un groupe américain. Airbag, un groupe norvégien. Il faut préciser que, moi, je dirais IS Project, là, étant donné que c'est Ivan Stantovito et Ilyana Salvemini. Donc, moi, on a tendance à dire Ease Project, là, mais Ease ou IS Project. Là. Bon. Donc, eux autres, ils ouvrent chacune des journées. Bon, ça, je l'ai dit au début. Okay. Le 19 mai, c'est Inner Space, un groupe de Montréal. Ensuite, Fido, un groupe américain que j'ai hâte de revoir. Et Finistère, qui va faire la fermeture du festival, un groupe italien. Faut dire que... Avec Fabio Zuffensi. Oui, Andrea Orlando fait partie de Finistère. Donc, il sera là lui aussi. Et comme nous disait Michel tantôt, il est très présent sur la page de Terrain Incognita. Et il se tient à l'affût. Et donc, on vous invite à faire la même chose. Donc, c'est la page Facebook de Terrain Incognita. Mais il y a aussi le site de Terrain Incognita, www.terrainincognita.québec, où ce que vous avez toutes les informations. Et bien, dans les nouveautés, on a le nouveau Oak, évidemment, qu'on vient d'avoir. Michel est venu porter ça tantôt. On va entendre une pièce de ce disque qui s'appelle False Memory Archive. Et il y aura aussi une pièce de Glaston qu'on avait beaucoup aimé sur le sampler de Progressis numéro 93, mais là, ça ne sera pas cet extrait-là parce que Marc l'a déjà fait jouer. D'ailleurs, l'album au complet a joué pas mal à l'émission. Et donc, ça va être un autre extrait qui s'appelle Implosion and Her. Et on va débuter avec Glasshammer, un extrait du nouveau disque qui s'appelle Chronomonaut. There's an open door to what you have. Your resolve, it's a puzzle. Only you can solve. Why do you feel the need to make life hard? Always worried, always on your guard. We'll be right back. and spread the word with a sickle. CKRL 89.1. Québec. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Et c'était Glaston, directement de la Suisse, et c'est un disque qui est assez rare, hein, qui s'appelle Inhale Exhale. Et bien, ce que nous autres, on a pris ça dans... Progressiste. Ben oui, le sampler de Progressiste. Et bien, j'avais dit la dernière fois qu'il n'y avait rien qui était dit dans le magazine, mais c'est pas vrai. Il n'était pas à la même place. Donc, le groupe est fondé en 2014 en Suisse, à Zurich. Et on considère ça comme expérimental post-rock, mais on parle aussi de post-rock cinématique. Je pense que ça convient peut-être un peu mieux. Là. Post-rock, il me semble que ça a un petit côté métal là, que je ne retrouve pas là-dedans. Là. Mais effectivement, c'est comme c'est instrumental, bien, on se laisse remporter là, par comme une sorte de film là, virtuel. Là. Donc, ils ont un EP avant ça qui s'appelle Sailing Stormy Water en 2014. Et, bien, ce qu'on avait juste avant, c'était... Bien, là, il y a eu comme un petit mix, là, de... suite à une erreur de ma part, là, c'est pas Bruno, là. On va ménager la susceptibilité de Bruno et surtout sa réputation. Là. C'est moi qui ai malencontreusement coupé la pièce de Hawk, mais on va se reprendre. Donc, c'était la pièce Clair de lune de Hawk que j'ai malencontreusement coupée et je l'ai remplacée par une pièce de Glasshammer qui s'appelle... on avait débuté avec The Past is Past et on a entendu une autre pièce qui était chantée cette fois-là par la chanteuse du groupe. Donc on y va en musique avec un bon bloc là, c'est Southern Empire. Et ben c'est qui ces gens-là? C'est des Australiens. Donc c'est formé par Sean Timms qu'on avait vu avant dans Unitopia. Donc c'est l'autre moitié de Unitopia. Il y avait deux leaders là-dedans. L'autre est allé former United Progressive Fraternity. Donc c'est le premier CD du groupe. En fait c'est le deuxième parce que le premier était éponyme. Et on va entendre aussi le groupe chilien Hazel qui nous avait été présenté par Jacques Dulac, qui aimait bien ce groupe-là. Donc, ça va être un extrait live qui s'appelle Live from Studios del Sur. Donc, ça va être la pièce Club Hawaiian. Donc, on y va en musique avec Southern Empire. faithless fall away. As the sun hides behind the moon for another day, foretold in prophecy, the time has come again. Strange light burning bright in every son of man. They dance among the embers of a city laid to waste, with conquest in their sights, words and images erased. Is the quick or the dead, while leaders bend their knees, full of shame, all the same, in every world they Calling the witness to the worthlessness again. And I prayed the fear would not set in. Sometimes I dream I'm being carried by the dead. While there's thunderous roaring overhead, a barren wasteland as far as I can see, even to the horizon. And I feel as though my heart is lost forever now and cannot be revived. Can time be rewritten, or is time running out? The end of the ages weighs heavy. What comes J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. C'est KRL. Tout sera anormal. En ne regrettant rien, on se dira du mal. Qu'on n'est pas comédien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. Jean-François Artaud et Luc Ferland analysent et échangent sur de grands dossiers actuels de la politique municipale, provinciale et fédérale. Accès pouvoir, le jeudi, 9h. Et c'était le groupe Aizel du Chili. Et c'est un disque qui s'appelle Live from the Estudio del Sol. On a entendu Club Hawaiian, qui est en fait le titre de leur album précédent, un album double. On avait débuté avec Southern Empire, les Australiens, avec Civilization, qui vient tout juste de sortir. La pièce s'appelle Cries for the Lonely. Et on peut peut-être parler un petit peu de concert, même si on l'a fait un peu pour ce qui est du festival. Du festival, bon, ben lundi, le 5 novembre, c'est le lancement du disque de Univers FX au Théâtre du Champlain. Le 11 novembre, au Palais Montcalm, d'Oiselle-Zappa. Le 17 novembre, à Salle Jean-Paul Tardy, Proc Story. Le 23 novembre, au même endroit, Gang et Stevie Lage. Ensuite, Musical Box, le 4 et 5 janvier au Grand Théâtre. Le 2 février, à la salle Jean-Paul Tardy, hommage à Roche et Marion. Le 19 février, Neil Morse, à la salle Sylvain Lelièvre au cégep Limoilou. Le 1er mars, à la salle Jean-Paul Tardy de Flower King. Le 30 mars, au même endroit, Arena. Et le 6 avril, c'est annoncé Dream Theater à Québec, mais l'endroit n'est pas encore annoncé. Et en musique, on avait eu un très bon concert de Arena au mois de mai, si je me souviens bien. Et ils reviennent au mois d'avril. Le 30 mars. 30 mars. Le disque qui sortait pour l'occasion, c'est Double Vision. Et bon, finalement, on vient de se procurer Double Vision. Et ben c'est j'aurais le goût de dire un retour parce qu'il y avait deux disques qui étaient assez, à mon goût, assez ordinaires là, avant ça. Et celui-là, ben, il est plus dans la lignée là, des Visitors et compagnie. On va entendre une pièce qui s'appelle Red Eyes. Mais il y a aussi Regal Worm, qui est un très bon groupe, un groupe anglais, que Marc nous avait fait connaître, mais les disques sont difficiles à trouver. Et moi, j'avais trouvé Peak Views. C'est pas la première fois que j'en fais jouer, mais moi et Bruno, on parle souvent de ce groupe-là qu'on apprécie. C'est une musique qui est un peu hors norme. Donc, on va en entendre un extrait. Il y aura aussi Camembert. Ça nous vient de Progressis, un groupe français. Et on parle beaucoup comme influence de Frank Zappa. Mm. Et aussi, on le pense bien, de Gong, là, qui seront dans nos murs. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Fécondé par un extraterrestre. Donc, on voit un petit peu le genre. Là. Donc, on débute avec Arena. Thank you. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. T'es déjà allé triper au Festif de Baie-Saint-Paul et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle! Le Cabaret Festif de la Relève est de retour. Le Cabaret Festif, c'est le public curieux de Charlevoix en plus de 20 000 $ en prix en bourse et en visibilité. Visite lefestif.ca/cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre. Vous écoutez CKRL 89.1. Tu penses que tout est fini, mais te voilà reparti. Comme ça, sans préavis. Des jours et des nuits, tu verras. L'amour, ça s'apprend pas par cœur. Ça change sans cesse de couleur. L'amour, ça s'apprend pas par cœur. Ça change sans cesse de douceur. Et c'était le groupe Camembert qui est une découverte de progressistes. Et d'ailleurs, dans le magazine 93 de progressistes, on parle d'amateurs de Frank Zappa, Gong, Magma, Ed, Palermo, Big Bang et autres Myrtcon. Ben moi, je dirais plus Frank Zappa. Hein. C'est clairement Frank Zappa, mais le nom réfère directement. Ben oui, avec le Camembert électrique. Ben oui, c'est un titre tellement beau. Mais un titre tellement bon. C'est un disque savoureux, Camembert électrique, qui commençait par... ben en fait, c'est plutôt sur la deuxième face. Mais moi, j'écoutais ça en vinyle à l'époque. Et on avait bien du fun d'entendre « Tu veux un camembert? » Et l'autre répondait « Mais c'est pas possible, ça! » Et ben oui, c'est plutôt Frank Zappa. On donne plein de références là-dedans, mais ils ont des titres assez rigolos. C'est un groupe français, comme Orteil Négatif, Once Upon a Time in a Galaxy Cheese. Donc on voit que c'est des petits rigolos. Et d'ailleurs, la pièce qui s'appelait Fécondé par un extraterrestre, ça doit être assez rare ça aussi. Un autre petit comique aussi, Regal Worm, j'en discutais avec Bruno là, pendant que ça jouait. Regal Worm, pour nous autres, là, c'est une belle découverte. On est reconnaissant à Marc de nous avoir aiguillé là-dessus. La pièce s'appelait Rose Packington, They Will Not Leave You Live. Encore un titre un peu étrange, mais une musique vraiment étrange aussi. On se demande si c'est pas dans les années 60, par les sons de clavier, ça sonne un petit peu trame sonore de film par moment. Ça part dans une direction et ça revient. C'est vraiment fascinant là, ce disque-là, qui s'appelle Peak Views, là, qui est sorti dans les dernières semaines. On avait débuté le bloc par Arena de Double Vision, qui est moi ce que j'appelle un beau retour, là, un retour vers la musique progressive. On l'avait vu d'ailleurs lors de leur spectacle au mois de mai, qui avait été très très bien. Donc, pour le dernier bloc, comme dirait Vincent, le dernier droit, il y a un groupe qui s'appelle Back. Moi, j'ai cherché un petit peu là, ce groupe-là, parce qu'il y a un groupe australien, on dirait que c'est pas les mêmes, même s'il y a le même style, parce qu'on dit que c'est un premier EP là, pour ce groupe-là. Donc, c'est une fusion de prog et de musique indienne ou d'Europe de l'Est ou... On parle aussi de ethno-prog. Ben, moi, je trouve ça assez intéressant, la pièce. Le EP s'appelle Flower. La pièce s'appelle Live and Perception Part 2, Thought Blind Eyes. Et on poursuivra ensuite avec Fido Xavier, qui sera au Festival Terra Incognita. Ça va être des belles retrouvailles. Là, ils sont toute une troupe, eux autres. Ils sont 10. Ils sont 10 sur scène. Et je vous dis, c'est quelque chose à voir là, si vous n'aviez pas l'intention d'aller au festival. Je pense que vous allez le regretter, parce que c'est vraiment spectaculaire. Quand on parle de spectacle, c'est spectaculaire. Et le disque Infernal, ben, on en fait jouer là, depuis quelques semaines. C'est un très bon disque. C'est la troisième partie d'une trilogie là, qui avait commencé avec Leap, The Great Leap, qui s'était poursuivi avec Doomsday Afternoon, et ça y a pris du temps parce que il le dit en entrevue là, il était pas satisfait, il a remis ça, puis il est arrivé avec un double album là, qui s'appelle Infernal, puis ce disque là le satisfait. D'ailleurs, on est plutôt satisfait nous autres aussi. Donc on va entendre de Sleepers Wake, mais on débute avec le groupe Back, B-A-K. We'll be right back. patience that keep us evermore obscure. So saintly round we go in duty to the mission and hungry for a score. Et c'était la musique angélique de Fido avec l'album Infernal qu'on vous conseille très fortement. On vous conseille aussi d'être présent lors du 19 mai 2019, lors du concert de Fido, la deuxième présence de Fido à Québec. Et il n'y a pas beaucoup de spectacles de Fido. On comprend que pour réunir une troupe comme ça, qui sont dispersés aux quatre coins du pays, des États-Unis, C'est un tour de force que le Festival Terra Incognita vous propose le 19 mai 2019. Juste avant, c'était le groupe Back avec un album qui s'appelle Flower. On a entendu Life and Perception Part 2. Et bien, pour souligner la présence de Gong qui seront dans nos murs, à quelle date déjà? Le 23 novembre. 23 novembre, on a bien hâte. Parce que Steve Village va être là aussi. Moi, j'adore Steve Village. J'aime autant sa carrière que ce qu'il a fait avec le groupe Gong. Donc, il va accompagner Gong et j'espère qu'il va faire des pièces. Il est supposé d'en faire une coupe. Malheureusement, Miquette Giraudy, sa partenaire de vie depuis longtemps, ne sera pas là, mais on la retrouve sur ce disque-là qui s'appelle The Steve Village Band Live at the Unconvention. On va entendre la pièce These Uncharted Lands. Et... J'ai oublié de vous dire que restez à l'écoute parce que Vincent Delisle est là pour l'autoroute. Puis n'oubliez pas de changer votre heure. Ah ben oui, et là-dessus, bonne semaine et revenez-nous la semaine prochaine. Certain taste I can't compare. I melt down to read the sign. A 3D mystery design. Just the echoes left. On this holy ground. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Denis Lelièvre, Jacques Bégin, Hubert Tremblay, Dominique Plante et Gilles Chaumel vous proposent une sélection de musique jazz tout azimut à l'émission Midi Jazz de lundi à vendredi. Une présentation d'Audiolite. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. À découvrir cet automne au Palais Montcalm, Maison de la musique, le duo Basse et Centour de Perséide le 10 novembre, la reine du blues de Détroit, Tornetta Davis et ses musiciens le 17 novembre, le répertoire jazz acoustique de François Jalbert et Jérôme Beaulieu le 24 novembre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Quel match! Vous voulez tout savoir sur les Remparts, le Rouge et Or, les Capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30. Première Loge Sport. Cette émission vous est présentée par Alimentex, épicerie certifiée biologique avec produits de santé naturelle à Québec. 1188 Première Avenue Limoilou, 418-529-7988. Alimentex.ca. Le Cœur à lire vous invite aux ateliers d'introduction à Excel, budget et comptabilité pour débutants, les vendredis du mois de novembre de 9h à 11h30. Initiation au courriel du 27 novembre au 4 décembre de 13h à 15h30. C'est gratuit. Inscription maintenant. Nos ateliers d'alphabétisation sont donnés en tout temps pour tous. Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animées par des spécialistes et des passionnés. Mélanie Florent nous dévoile la face cachée de la marginalité en invitant des gens qui assument leurs différences sociales. Les différents, le vendredi, 9h. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas?